La Bible David Martin 1855. Second épître de Saint Paul à Timothée. Second Timothée chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon fils bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père, et de la part de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu, lequel je sers des mes ancêtres avec une pure conscience, faisant sans cesse mention de toi dans mes prières, nuit et jour. Me souvenant de tes larmes, je désire fort de te voir, afin que je sois rempli de joie. Et me souvenant de la foi sincère qui est en toi, et qui a premièrement habité en Loï, ta grand-mère, et en Eunice, ta mère, et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte de ranimer le don de Dieu, qui est en toi par l'imposition de mes mains. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, de charité et de prudence. Ne prends donc point à honte le témoignage de notre Seigneur, ni moi, qui suis son prisonnier, mais prends part aux afflictions de l'Évangile, selon la puissance de Dieu, qui nous a sauvés, et qui nous a appelés par une sainte vocation, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui maintenant a été manifestée par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort, et qui a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile, pour lequel j'ai été établi prédicateur, apôtre, et docteur des gentils. C'est pourquoi aussi je souffre ces choses, mais je n'en ai point de honte, car je connais celui en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il est puissant pour garder mon dépôt jusqu'à cette journée-là. Retiens le modèle des saines paroles que tu as entendues de moi, dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais ceci, que tous ceux qui sont en Asie, se sont éloignés de moi, entre lesquels sont Phygèle et Hermogène. Le Seigneur fasse miséricorde à la maison d'Onésiphore, car souvent il m'a consolé, et il n'a point eu honte de ma chaîne. Au contraire, quand il a été à Rome, il m'a cherché très soigneusement, et il m'a trouvé. Le Seigneur lui fasse trouver miséricorde devant le Seigneur en cette journée-là, et tu sais mieux que personne combien, il m'a rendu de service à Éphèse.